J'ai un monstre à la place du cœur qui se nourrit de ma haine. Si tu m'aimes, je te hais et te hais si tu m'aimes. Je jubile à la vue de ton sang vermillon, s'échappant de tes bras par de profonds sillons. J'ai un monstre à la place du cœur, venez à mon secours. Il se nourrit de ma rancœur, pourtant j'y suis rebelle. Apeurée, je fuis, mais j'ai le souffle court. J'ai comme un souffle au cœur, un cœur de demoiselle. Plus mon monstre grandit, plus il vit, plus il croit. Vers un profond déni aux sources abyssales. Plus tu souffres et j'envie ceux qui vivent sans toi. Et qui n'ont pas de monstre comme seule issue fatale. J'ai un monstre en cœur que je nourris encore. Qui sonne la lali sur un tempo hardcore. Il inspecte mes failles dans les moindres détails. Je résiste encore. Sors-tu de l'abîme, ô beauté ton regard infernal et divin.